d'être homme est avec du chic. Du juif, c'est sous le soleil d'être en pique. Une vie de rêve pour ton ennemi. Tiens, qu'est-ce que tu fous là? Tu ferais mieux le retourner en Jamaïque. Tiens, reste pas planté là. J'irai bien avec toi. T'as pris le train au petit matin et t'as quitté les tropiques. Tu ne fais plus partie de cette élite. Car qu'est-ce que tu fous là? Tu ferais mieux le retourner en Jamaïque. Car reste pas planté là. J'irai bien avec toi. En Jamaïque. Tiens, reste pas planté là. J'irai bien avec toi. Regarde bien autour de toi et seulement tu comprendras. C'est bourré par le fric. Tiens, qu'est-ce que tu fous là? Tu ferais mieux de retourner en Jamaïque. Tiens, reste pas planté là. J'irai bien avec toi.